un empoisonnement au XXIe siècle par Jean Rameau. C'est vers l'an 1934 que les Français, lentement empoisonnés par leurs fournisseurs de comestibles et par les odeurs nauséabondes qui, après avoir infecté Paris, se répandirent rapidement sur la France entière, s'aperçurent que leur nature et leurs besoins avaient complètement changé et que, nouveau Mithridate, ils étaient non seulement armés contre le poison, mais encore qu'ils avaient besoin d'en absorber 3 fois par jour, à moins de mourir d'inanition. Cet état de choses, grâce au progrès des falsificateurs, ne fit qu'embellir et en l'an 2056, on dut se mettre à bâtir des villes et des cottages dans les égouts de Paris, à l'usage des mondains et des mondaines, qui, délaissant les villes d'eau et les campagnes malsaines, éprouvaient le besoin de se retremper, pendant quelques semaines, dans les bienfaisants effluves du grand collecteur. En juin 2083, époque à laquelle se passe cette histoire, les étrangers et les touristes étaient fort nombreux dans les égouts parisiens. Toutes les villas étaient occupées et un simple cottage dans les environs du dépotoir de Saint-Denis se louait à des prix fous. Entrons dans une de ces villas, la Villa Microbe, située avenue Le Sage, et assistons au magnifique dîner que deux jeunes époux accourus dans les égouts pour passer leur lune de miel offrent ce soir-là au tout Paris élégant et mondain. La table de la splendide salle à manger est royalement garnie, et partout des lumières, des cristaux, des fleurs rares et distinguées, des fleurs artificielles exhalant les parfums les plus sains et les plus recommandés, dans lesquels dominent la safétida et la valériane. Soudain, un grand cri. Le jeune époux roule sous la table. « Ciel !» clame Sans-Bois. On s'empresse, on regarde, et l'on constate que la figure du jeune marié prend des tons violets, comme autrefois les cadavres des gens ayant absorbé certains sucs vénéneux. « Ah ! Mon mari est empoisonné !» s'écria la malheureuse épouse. Il tomba évanoui. Il était empoisonné, en effet. Une vengeance de femme. Mais empoisonné par quoi ? À l'aide de quelles substances redoutables? Voilà ce que l'enquête n'établit pas tout d'abord. « Examinez tous les aliments, tous les breuvages !» ordonna l'inconsolable veuve, aussitôt qu'elle eut repris ses sens. Et l'on fit comme elle avait ordonné. On porta le vin au laboratoire municipal. Le laboratoire municipal répondit « Vin de première qualité. Composition 23 parties eau de Seine, 57 parties vitriol, 17 parties décoction de vieux gants de peau, 3 parties essence de térébenthine, le tout constituant un excellent cru Château-Léoville de 1046. Analysez le vinaigre, l'huile, les légumes, recommanda la veuve, qui tenait à savoir comment était mort son mari. Mais tous ces produits furent trouvés irréprochables. Les pois verts promenaient d'une des meilleures fabriques de Grenelle et contenaient 49% d'acétate de cuivre. Le poivre était fourni par un entrepreneur de démolition et ne contenait que de la brique pilée extra. Le vinaigre était riche en ammoniac et en eau de javel. Quant à l'huile, la compagnie d'Orléans n'en avait jamais employé de meilleure pour graisser ses machines. « Quel poison a donc terrassé mon pauvre mari ?» se demanda la veuve éplorée. « Ah » cria-t-elle tout à coup, « ce verre à moitié plein dans lequel a bu le défunt, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle présenta le verre aux experts. Ceux-ci n'eurent pas plutôt jeté les yeux sur le breuvage qu'ils pâlirent d'effroi. « Arrière, madame !» clamèrent-ils, l'esprit traversé par un soupçon terrible. Et s'étant couvert les mains de gants imperméables, la tête d'un masque à yeux de verre, ils analysèrent le breuvage mystérieux. Ils avaient deviné. « Ah, madame » dirent-ils à la veuve aux abois qui maigrissait de jour en jour. « Quel crime abominable ! C'est un poison affreux, un poison foudroyant !» « Lequel ? De l'eau pure !» Et les serviteurs qui entendirent cela se mirent à claquer des dents puis s'enfuirent avec terreur. Mais la veuve infortunée ne s'enfuit pas, elle. Sublime, elle s'approcha des chimistes. « Donnez-moi ce restant de poison, » dit-elle. « Pourquoi, madame ? Et alors, adorable de grâce et d'affliction, j'ai juré de mourir de la même mort que mon mari. Mais les chimistes refusèrent. Ils firent creuser un trou profond et jetèrent le redoutable liquide. « Malédiction sur vous !» cria la pauvre jeune femme. Et affolée, elle se mit à courir par les rues de Paris, cherchant quelqu'un qui voulut lui faire l'aumône de quelques gouttes d'eau pure. Elle ne trouva pas. Elle alla chez un pharmacien. « 2 grammes d'eau pure, monsieur, supplia-t-elle. Avez-vous une ordonnance ? » demanda le disciple de Galien. La veuve, désespérée, visita ainsi tous les pharmaciens de la capitale et leur offrit des monceaux d'or. Tous furent inébranlables. Et alors, affolée, elle quitta Paris et se mit à rôder dans la campagne. « Ah, la pluie ! » se dit-elle. « C'est de l'eau pure, cela. Je vais attendre qu'il pleuve. » Mais, ayant considéré le ciel avec attention, elle vit, ce dont elle se doutait hélas, que par mesure de sécurité publique, l'État avait fait installer une sorte de toiture en verre sur la campagne, afin que l'eau du ciel ne tombât jamais sur une muqueuse humaine. « Une rivière !» dit-elle alors. « Un ruisseau, une source !» Mais il n'y avait plus en France de source, de ruisseau, de rivière. Sagement, l'État avait fait capter tous les cours d'eau pure, de peur que les habitants des campagnes n'allassent s'y empoisonner, et la Seine seule coulait à ciel ouvert, triomphalement, à cause de sa richesse en microbes, lesquels étaient tellement gros et si invraisemblablement prospères qu'on se mettait à les pêcher à la ligne, de Paris jusqu'au Havre. Et après 8 jours de courses vaines, la pauvre veuve s'affaissa, épuisée, dans une plaine déserte. Et navrée de ne pas pouvoir mourir comme son mari, avec résignation, elle attendit la mort. Mais alors le Créateur eut pitié d'elle. Le zénith s'assombrit tout à coup, et au moment où la veuve inconsolée balbutiait le nom de son époux, elle expira glorieusement, empoisonnée ainsi que son bien-aimé. Le ciel, avec d'énormes grêlons, avait crevé la cloche sous laquelle mûrissaient les Français, et miséricordieusement, s'étant aperçu que la veuve avait un nez retroussé, il avait daigné pleuvoir dedans. C'était un empoisonnement au XXIe siècle par Jean Rameau.